Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Michel Rocard, à l'Élysée, une ambition politique s'abordait. Le 12 juin 1994, le Parti Socialiste, emmené par son premier secrétaire, Michel Rocard, subit une défaite historique aux élections européennes. 7 jours plus tard, Michel Rocard, jusqu'alors candidat virtuel de la gauche pour la présidentielle de 95, voire candidat naturel, est débarqué de ses fonctions à la tête du PS. Pour l'ancien Premier ministre, cet épisode marque la fin d'une ambition politique vieille de 30 ans, l'Élysée. Au même moment, à l'Élysée justement, François Mitterrand jubile. Pour bon nombre d'observateurs politiques, c'est lui qui est à la manœuvre. C'est là qu'il a porté l'estocade contre le champion d'une gauche qui se présentait comme la deuxième gauche, histoire de ringardiser la première, une façon également de ne pas se déclarer officiellement social-démocrate, mot encore tabou à l'époque chez les socialistes français. Enfin, au cœur de cette affaire, on trouve un troisième homme dont le nom et le visage symbolisent les dérives de la politique dans les années 90, un certain Bernard Tapie qui aurait servi de missile contre Rocard, touché coulé. Notre invité aujourd'hui, Jean-Louis Andréani, journaliste, auteur d'une biographie intitulée « Le mystère Rocard » chez Robert Laffont. Affaires sensibles, une émission de France Inter avec Linda, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacoboviez. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Jeudi 7 juillet 2016, Hôtel des Invalides, Paris. Il est un peu plus de 11h lorsque le président de la République, François Hollande, son premier ministre, Manuel Valls, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, ainsi que le président du Sénat, Gérard Larcher, font leur entrée dans la cour d'honneur. L'œil sombre, la mine sévère, ils marchent tous les quatre d'un pas solennel. Sur la gauche, devant eux, l'orchestre de la garde républicaine joue un air grave. Sur la droite, une centaine de personnes en costume et habits sombres patientent en silence. On voit là de très nombreux représentants de la classe politique française. Il y a des responsables de gauche, de droite, les anciens premiers ministres, Lionel Jospin, Alain Juppé, Edith Cresson, Laurent Fabius. Ici, l'ancien président, Nicolas Sarkozy. Plus loin, François Bayrou ou encore Jean-Paul Huchon. On trouve aussi l'ensemble des ministres du gouvernement. Oui, ils sont tous là pour rendre hommage à un homme qui a servi la France pendant plus de 30 ans, Michel Rocard. L'ancien Premier ministre s'est éteint quelques jours plus tôt des suites d'un cancer, il avait 85 ans. Alors que la cérémonie débute aux Invalides, au même moment sur France Inter, les journalistes retracent le parcours hors norme de cet homme qui avait pour ambition, je cite, « de rénover la gauche, de la concilier avec le réel et d'allier le concret à la rigueur ». Pour faire rêver, on fait mieux. Mais pour cet homme-là, la politique, justement, ce n'était pas du rêve. Énarque, ancien inspecteur des finances, présent en politique depuis le début des années 60, Michel Rocard était, de l'aveu de ceux qui l'ont côtoyé, un individu paradoxal, compliqué. Le fondateur du PSU, le Parti Socialiste Unifié, véritable laboratoire d'idées, était un adepte du parler vrai, dévastateur. Un orateur parfois obscur, souvent mal compris, surtout, un homme politique obsédé par l'idée d'être écouté, reconnu, respecté. Rocard, qui fut pendant 3 ans le premier ministre dit d'ouverture de François Mitterrand, incarnait à lui seul le courant de cette deuxième gauche qui dénonçait le colonialisme lorsque d'autres réprimaient les indépendantistes algériens. Cette gauche qui est descendue dans la rue en mai 68 quand certains responsables de la SFIO observaient la foule de leurs fenêtres. Cette gauche au visage antimarxiste qui refusait tout compromis avec les communistes. Cette gauche enfin qui se voulait pragmatique, exigeante et rigoureuse, adepte de la réforme immédiate et du consensus politique sur le modèle allemand ou scandinave de l'époque. Jointe par téléphone, l'ancienne première secrétaire du Parti Socialiste, Martine Aubry, insiste sur la force de conviction qui animait Michel Rocard. Moi, il m'a beaucoup influencé. Je le dis d'ailleurs toujours, comme mon père et comme elle mon mère. parce que je crois que ce sont des hommes qui, à la fois, ont toujours voulu changer la société, modifier la réalité telle qu'elle était, mais sans jamais abandonner la vision qu'ils avaient, les valeurs qu'ils avaient. C'est-à-dire, on ne se laisse pas imposer les contraintes et les difficultés, on essaie toujours de les déborder en ayant un chemin. Quand j'ai commencé à militer dans le syndicalisme, il y avait la gauche, c'était le social, la droite, c'était l'économie. Eh bien, Michel Rocard, ça a été cette réconciliation. On ne peut pas y avoir une économie productive sans s'occuper des salariés et de leurs conditions de travail. Et de la même manière, il faut s'occuper de l'économie et de la création de richesses. Il est un peu plus de 11h15 ce jeudi 7 juillet 2016 lorsque l'orchestre de la garde républicaine fait entendre son roulement de tambour. À quelques dizaines de mètres, sous les arcanes de l'hôtel des Invalides, des officiers portent à l'épaule un cercueil en bois recouvert du drapeau bleu-blanc-rouge. Ils l'acheminent au centre de la cour et le déposent au sol. Puis, le président de la République, François Hollande, s'avance, seul, sous l'œil des caméras de télé. Instant de recueillement symbolique, mais instant ô combien politique. Car empêtré sur le plan social avec la réforme de la loi travail, dite loi El Khomri, le chef de l'État entend se placer comme un héritier de la politique rocardienne. Celle qui faisait passer les décrets en usant et parfois en abusant de l'article 49.3. Notamment, à la différence qu'ici, le gouvernement de Manuel Valls possède une majorité à l'Assemblée, ce qui n'était pas le cas à l'époque pour Michel Rocard. Il forme au Parti Socialiste avec ses amis syndicalistes, aux deux gestionnaires, associatifs, chrétiens progressistes, ce qui fut appelé la deuxième gauche. Michel Rocard pouvait être sévère à l'égard de la première, lui reprocher son jacobinisme, son centralisme, voire même ses archaïsmes. Lui, il en appelait davantage à la société qu'à l'État, plus à la négociation qu'à la loi, aux forces vives plutôt qu'aux alliances politiques. Mais il était conscient que les deux gauches devaient s'unir pour gouverner. Jamais il n'a joué contre sa famille politique. Il nous laisse une démarche, celle du compromis, véritable fondement de la social-démocratie. Réforme et compromis. Plus de 25 ans après, cette formule de Michel Rocard trouve sa place le plus naturellement du monde chez François Hollande. Car ce président-là, biberonné par le delorisme, est né social-démocrate, deuxième gauche. Ce qui fera de lui, tout aussi logiquement, un président social-libéral, version, disons, plus droitière ou plus centriste de la gauche social-démocrate, celle de François Mitterrand, finalement, depuis le tournant de la rigueur en 83. Michel Rocard, comme les autres, avait ses détracteurs, bien sûr. Les plus vifs au sein de sa propre famille politique, évidemment, mais il est des figures politiques, tutélaires, qui transcendent les rivalités quand la mort vient sonner. Alors, en ce jour de funérailles de Michel Rocard, les ennemis d'hier, comme Laurent Fabius, Roland Dumas ou encore Jack Lang, qui ont dit pique-pendre sur lui, viennent chanter ses louanges. Dans les minutes qui suivent, l'ancien patron de la CFDT, Edmond Maire, prend la parole. Ancien chef d'un syndicat réformiste qui a toujours marché main dans la main avec le sociodémocrate, il revient sur le parcours hors norme de celui qui a occupé successivement toutes les fonctions de l'État. De maire de Conflans-Sainte-Honorine à Premier ministre, en passant par la députation, à l'Assemblée nationale comme à Bruxelles, et plusieurs postes de ministre dans les gouvernements de gauche. Enfin, ajoute Edmond Maire, il y avait chez Michel Rocard ces utopies créatrices qui ont suscité des prises de responsabilités multiples. En référence aux réformes marquantes mises en place par l'ancien Premier ministre, souvenons-nous, comme le revenu minimum d'insertion, le RMI, la contribution sociale généralisée, la CSG et les accords de paix sur la Nouvelle-Calédonie. Telle est l'œuvre de Michel Rocard. Dans la cour d'honneur des Invalides, derrière les invités de marque, on trouve aussi une foule d'anonymes. Certains sont là par hasard, d'autres sont venus honorer le souvenir de Michel Rocard, dont il parle avec émotion devant les caméras de France 2. C'était quand même un ancien Premier ministre, et puis c'était le meilleur des socialistes. Moi je vous le dis, hein, franchement, d'ailleurs j'avais voté pour lui. L'honnête homme, ce qui n'était pas le cas de Mitterrand. Et donc, si aujourd'hui il était passé par la présidence, je pense que la France n'en serait pas là aujourd'hui. Rocard à l'Élysée, voilà un scénario dont l'intéressé a longtemps rêvé. Sa première candidature s'inscrit en 1969, histoire de faire un premier tour de piste, assez réussi d'ailleurs. Le jeune homme se fait remarquer par sa brillance, son originalité, sa modernité, à une époque où le Parti Socialiste est submourant, un peu comme aujourd'hui, même s'il vient de prendre le nom de Nouveau Parti Socialiste pour remplacer la SFIO, acronyme qui commençait à sentir sérieusement la naphtaline. Mais le destin de celui qui fut pendant 30 ans le maire de Conflans-Sainte-Honorine ne le mènera pas à l'Élysée. À gauche, en effet, dans son propre camp, un homme va se dresser à deux reprises contre lui, lui barrer la route et anéantir ses espoirs. Il s'appelle évidemment François Mitterrand. Et là est tout le drame de Michel Rocard. Avoir été le contemporain de François Mitterrand et avoir croisé le chemin de ses ambitions, un peu comme Salieri avec Mozart. En 81, puis en 88, le chef de l'État ridiculise Rocard, qui met du sien, soit dit au passage. Enfin stratège, le premier des socialistes laisse planer le doute sur ses intentions. Alors Rocard s'engouffre dans la brèche, trop vite, mal préparé, il échoue deux fois. Et c'est son rival qui est élu président deux fois. En 1981, Michel Rocard doit se contenter d'un poste de ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, un placard. Première humiliation. Même principe en 1988, François Mitterrand, prince de l'ambiguïté, applique sa méthode préférée. Une fois de plus, Michel Rocard y croit. Mais le président se présente pour un second mandat. Il est élu haut la main. Mais cette fois, il fait de Michel Rocard son premier ministre, car les circonstances sont porteuses de ce choix. Stupeur, en tout cas chez ses fidèles au PS, ses grognards, les Mitterrand de l'âtre. Tous lui disent, mais enfin, pourquoi avoir nommé Michel à Matignon? François Mitterrand leur aurait répondu, ne vous en faites pas, dans deux ou trois ans, on verra à travers. Ce qui sera le cas, effectivement. Pendant toute la durée de son passage à Matignon, le président va tordre, lessiver, éreinter son premier ministre avant de le démissionner au printemps 91. D'ailleurs, Michel Rocard ne le cachera pas, Mitterrand m'a viré. Et se profile la présidentielle de 1995. Michel Rocard fait alors figure d'alternative crédible et de candidat virtuel pour la gauche. Il est populaire, il est légitime, il rassemble, il inspire confiance. De son côté, François Mitterrand, président malade, compte les jours. Pour Rocard, tous les feux sont donc au vert. Mais une fois de plus, il sera abattu en plein vol. Une fois de trop. Mais par qui et pourquoi? Pour le comprendre, il est nécessaire de se replonger au printemps 1993, à une époque où Michel Rocard occupait le devant de la scène politique. Bien sûr, je sais, et vous aussi sûrement, que la période immédiate se prête mal à ce big bang politique auquel j'aspire. Trop d'intérêts contradictoires, trop de considérations tactiques y font toujours du obstacle. Aujourd'hui, notre seule tâche est de combattre la droite. Mais dès les législatives passées, nous devons bâtir d'urgence le mouvement, l'instrument de transformation dont la France a besoin, avec tous ceux dont les valeurs ou les références sont compatibles avec les nôtres, même si certains d'entre eux sont actuellement nos concurrents. Février 1993, lors d'un meeting électoral à Montlouis-sur-Loire, près de Tours, devant un parterre de responsables du Parti Socialiste, Michel Rocard prononce l'un des discours les plus marquants de sa carrière politique. À la tribune, il appelle un big bang politique et il lance un véritable défi à l'arrière-garde du PS, genre « vous êtes tous dépassés, changeons tout ». Une méthode qui finira par marcher 25 ans plus tard, avec un autre. En 1993, depuis sa démission et son départ de Matignon, Michel Rocard s'agite sur la scène médiatique et politique. L'ancien Premier ministre, membre permanent du Bureau national du PS, est devenu un électron libre. Il s'affiche comme l'alternative de la gauche pour la prochaine grande échéance électorale, 95, celle à laquelle pensent tous les ténors politiques sans jamais l'avouer. Au même moment, rue de Solferino à Paris, au siège du Parti Socialiste, le premier secrétaire, Laurent Fabius, fustige les manœuvres du candidat auto-proclamé Rocard, comme il l'appelle. Pourtant, Laurent Fabius doit se rendre à l'évidence, Rocard à la cote chez les militants. Pire, après les résultats catastrophiques des socialistes aux législatives, Laurent Fabius est même contraint de lui laisser son poste de premier secrétaire, rampe de lancement présumée pour une candidature à la présidentielle. « bouillonnant été 1993, à l'Élysée, trois hommes veillent au grain. Jean-Louis Bianco, Gilles Ménage et Michel Charras, plus connus sous le nom des hommes du président Mitterrand. Une sorte de garde rapprochée, voire prétorienne, qui conseille, organise et travaille dans le seul intérêt du chef de l'État. Et le premier constat de ce club d'Étroit est sans nuance. Si à droite, le nouveau Premier ministre Édouard Balladur affirme déjà sa différence face au chef du RPR, Jacques Chirac, à gauche, Michel Rocard fait son chemin. Les sondages d'opinion ne laissent planer aucun doute. Chaque semaine, Rocard gagne en sympathie, en crédibilité et surtout en intention de vote. François Mitterrand lui aussi est conscient que la carrière de son ennemi le plus intime lui échappe, alors il faut agir et vite. Dans le plus grand secret, le chef de l'État aurait donc joué un coup de poker politique dont il a le secret. Il aurait misé sur la carte Tapie, le personnage à la mode en cette fin d'année 1993, l'incontournable. Cet homme de tout juste 50 ans, bronzé, hâbleur, volontiers vulgaire, riche comme Crésus, ancien ministre, désormais député, tête de liste annoncée aux élections européennes de 1994 pour le mouvement des radicaux de gauche et surtout président de l'OM, le premier club de foot français qui ce printemps-là va gagner la Ligue des Champions, un titre sportif qui vaut tous les programmes politiques et plaquettes électorales. Tapie, un populiste qui, pour le spectacle, décide d'affronter l'autre populiste, Jean-Marie Le Pen. Bon, c'est moins bien qu'une finale de Coupe d'Europe entre l'OM et le Milan AC, mais le match de ces deux grandes gueules en politique fait recette. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Mais c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Non, mais soyez poli, monsieur, vous êtes sorti des bâtons, on le sait, oui, vous êtes poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. En août 93, Bernard Tapie est une figure de premier plan sur la scène politique française. Sa gouaille et son culot ont fait de lui une vedette des plateaux télé. Au Parti Socialiste, le patron de l'Olympique de Marseille a ses fans et ses détracteurs. Le sentiment est à ce point partagé chez les camarades que si certains doublent soldats de Tapie lorsqu'il part au front combattre Jean-Marie Le Pen, d'autres se pincent le nez lorsqu'il s'agit de l'intégrer à l'appareil socialiste. Car Tapie traîne derrière lui les affaires, les scandales et un logiciel politique qui ne semble répondre qu'à un seul clic, son ambition personnelle. Au fil des semaines, on assiste pourtant à des scènes très curieuses. Nombreux sont les Mitterrand bien du PS qui s'affichent en public lors des rassemblements du MRG, les radicaux de gauche. Et lorsque son chef de file, Bernard Tapie, se lance à la tribune dans des discours tantôt populistes, tantôt rejetant l'élite sociale ou dans la diatribe anti-Rocard, les mitterrandistes de la première heure, Laurent Fabius, Jean Popren et consorts applaudissent. Pour la journaliste Sylvie-Pierre Brossolette, il ne fait alors aucun doute qu'au début de l'automne 93, Mitterrand, qui déteste Rocard, désespère de Jacques Delors et adore les défis mis tout sur Tapie. Et cela, ajoute la journaliste, non pas pour voir un jour Tapie assis dans son fauteuil, mais plutôt pour décider qui n'y sera jamais, autrement dit Rocard. Dans les salles de rédaction à Paris, la rumeur enfle sur un soutien du président à son ancien ministre de la ville. Les journalistes politiques en sont certains. En coulisses, l'Élysée pèserait de tout son poids pour nuire aux espoirs de Michel Rocard. La question est à ce point brûlante qu'en direct à la télé dans l'émission L'Heure de Vérité, François Mitterrand doit se justifier sur sa relation avec Michel Rocard. Le problème, vous savez, je lis la presse et je suis toujours étonné de cette espèce d'antagonisme que l'on a développé. Certains disent carrément d'inimitié, voire d'hostilité. Je n'ai pas d'hostilité à l'égard de Michel Rocard. Je n'ai pas d'hostilité. J'ai de l'hostilité à l'égard de très peu de gens. Je ne suis pas fait comme ça. Simplement, je m'intéresse à la vie politique et aux choix fondamentaux. Et tant que j'ai pu penser que Michel Rocard, je l'ai pensé en certaines circonstances, ferait une politique qui me paraissait pas simplement différente, mais peut-être antinomique avec celle que j'ai menée moi-même au nom du socialisme français. Je ne souhaitais pas... Et maintenant, vous êtes rassuré? Je suis rassuré. À l'automne 93, les dés sont jetés au PS. Mais pourtant, rien ne va plus, rue de Solferino. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le nouveau premier secrétaire du parti, Michel Rocard, est davantage préoccupé par le redressement de la gauche que par l'engagement des forces socialistes dans la campagne pour les européennes. Parce que Rocard vise 95, et uniquement 95. Bien. Mais peut-il laisser le soin à quelqu'un d'autre d'être tête de liste pour les européennes à sa place? Quelqu'un qui porterait seul la responsabilité en cas d'échec, oui, mais quelqu'un qui pourrait aussi lui voler la vedette en cas de succès et ainsi remettre en question sa position de candidat naturel pour la prochaine présidentielle. Au sein de la direction du parti, la désignation du chef de file pour les européennes donne lieu à une discussion très animée. Les Mitterrandiens, dont Laurent Fabius, refusent tout compromis. C'est au premier secrétaire, donc, de porter les espoirs de la gauche. Il doit prouver qu'il est légitime, et surtout, il doit assumer en cas de déroute. Michel Rocard, qui quelques mois plus tôt avait assisté à la chute en direct de Fabius après les législatives, pense qu'il s'agit peut-être d'un piège. Alors, il hésite sur la stratégie à suivre. Lors d'un petit déjeuner chez Jean-Paul Huchon, son chef de cabinet, il rencontre Lionel Jospin. Ce dernier, loyal, excellent soldat du PS pour qui donnerait sa vie, est prêt à se battre. Oui, il veut bien prendre la tête de la liste PS aux européennes. Michel, dois-je te rappeler que le PS n'a jamais fait un très bon score aux européennes? Toi, tu dois te préserver pour la présidentielle. Laisse-moi y aller, je peux me refaire. Je pense qu'avec une campagne correcte, je ferai au moins 20%, ce qui ne nous diminuera pas. Lionel Jospin est désormais un allié fidèle de Michel Rocard au PS. L'ancien Premier ministre peut lui faire confiance. Il s'agit même d'une occasion rêvée de prendre de la hauteur, de ne pas s'abîmer avant 95. Mais de l'avis de l'un de ses plus proches conseillers, Jean-Paul Huchon, que je cite, Rocard va céder à ses propres démons. Il va finir par se convaincre lui-même qu'il doit défendre l'honneur du chef aux européennes de 1994. En face, le tonitruant chef de file des radicaux de gauche, Bernard Tapie, s'affiche à la une de l'actualité. Mais pas pour ses idées ou son engagement politique, non. Pour de nouveaux déboires judiciaires. Car sans crier gare, l'affaire du match truqué OM Valenciennes s'invite dans la campagne électorale. Auditionné puis mis en examen pour corruption, le candidat Tapie est à la dérive. Alors à l'Élysée, on commence à s'inquiéter. Mais un homme va venir à sa rescousse, François Mitterrand lui-même. Ce qui aurait pu rester une simple affaire de pot de vin peu glorieuse dans le milieu non moins glorieux du foot se transforme en un scandale d'État. Alors, le président se lance dans un vibrant plaidoyer pour défendre celui qui fut, je cite, « un excellent ministre de la ville et un homme plein de passion à la tête de l'OM ». Malgré la procédure judiciaire, les sondages épargnent le candidat Tapie. Il se paye même le luxe d'écorner le principe de parité un homme une femme proposé par Rocard. Grâce au soutien discret de l'Élysée, les candidats socialistes ou apparentés se bousculent pour avoir leur place sur sa liste. Aux côtés du patron d'OM, on retrouve ainsi des figures comme Christiane Taubira. Il y a aussi l'ancienne ministre socialiste, Catherine Lumière. Catherine La Lumière. De leur côté, Jack Lang et Ségolène Royal, tous deux membres du bureau national du PS et réputés très proches du président Mitterrand, fixent à 23% la barre que doit atteindre Michel Rocard aux élections. 23%, c'était le score de Laurent Fabius en 89, sauf qu'à l'époque, socialistes, radicaux de gauche et chevènementistes faisaient cause commune sur la même liste. Ce qui revient à assigner à Michel Rocard une tâche impossible pour mieux en exploiter l'échec. Autrement dit, à 6 mois des élections européennes de juin 1994, François Mitterrand et son clan plaçaient leur pion. Rocard et ses partisans ont avancé l'heure. La question est de savoir qui de Rocard ou de Mitterrand fera échec et mat à l'autre. Revolution. France Inter, Intermatin samedi, Brigitte Becker. Les banlieues en difficulté, c'est justement là que Michel Rocard avait choisi hier de démarrer la campagne socialiste pour les élections européennes. Le premier secrétaire pour son premier déplacement avait choisi Orléans. Il y a donné le ton, il n'est pas seulement européen, lutte contre l'exclusion et le chômage. Coup d'envoi de campagne européenne encore ce week-end, celui de la liste Chevènement à Arras et à Paris, Bernard Tapie, la liste MRG. Chevènement, Tapie, deux des listes qui justement font malice au PS. Car il y en aurait trop des listes de gauche pour ces européennes, trop du moins au goût du PS, pour se maintenir dans ses espoirs affichés. Selon le dernier sondage CSA pour Radio France, Le Parisien aujourd'hui et France 3, le PS est crédité de 18% d'intention de vote, effectivement faute à la dispersion. Ritzel Ferrino à Paris, siège du Bureau national des partis socialistes. En cette fin de mois d'avril 1994, l'heure est au compte, ou plutôt au règlement de compte. En effet, malgré un score honnête aux dernières cantonales, une partie des dirigeants du PS fait grise mine dans la perspective des prochaines élections, les européennes, dans moins de 6 semaines. Michel Rocard, premier secrétaire du parti et chef de file de la liste pour une Europe solidaire, voit sa base électorale s'éroder au profit du camp Tapie et de sa liste Énergie radicale. Pour le premier cercle des Rocardiens, il apparaît clair que Tapie profite en sous-main du soutien de l'Élysée. Michel Rocard lui-même est désormais convaincu que le chef de l'État tente de lui barrer la route en jouant Tapie. Ce serait sa diagonale du fou. Dans le camp de Pierre Mauroy et de Lionel Jospin, on va même jusqu'à pointer du doigt l'attitude du président comme possiblement précurseur d'une déroute aux européennes. À l'Élysée, François Mitterrand lui est conscient de l'effet produit. En plein Conseil des ministres, face à un Édouard Balladur médusé, il aurait tenté de se dédouaner face aux rumeurs persistantes dans la presse. Il aurait dit « ils sont devenus un brin parano, Alsof Ferrino ». Pour tenter d'enrayer le malaise ambiant avec le reste des socialistes, François Mitterrand réunit sa garde rapprochée. Jean-Louis Bianco, Michel Charras et Gilles Ménage, donc. Face à ces trois hommes de confiance, il s'indigne et se présente comme une victime de cette affaire. Il réfute une nouvelle fois toute tentative de déstabilisation à l'encontre de Michel Rocard et il leur demande de faire passer le message. Dans la foulée, Tony Dreyfus, intime de Michel Rocard, se rend à l'Élysée pour mettre les points sur les i. Pendant plus d'une heure, il met en garde Michel Charras. Attention, il n'est pas dans l'intérêt de personne que ce septennat se termine en une guerre de clans chez les socialistes. Le lendemain, Charras se rend en personne chez Michel Rocard. L'ancien Premier ministre reçoit avec une chaleur de façade le conseiller du président. Mieux, Rocard joue les grands seigneurs et il lance à Charras. Vous savez, Tapie ne me mange que 2,5% des voix, donc je ne le crains pas vraiment. Bon, on n'a jamais été aidé par le président. Il n'y a pas de raison que ça commence maintenant, de toute façon. Merci, Rocard. Mitterrand ne peut résister à sa nature, alors que c'est dans son intérêt de me soutenir. Ironie de l'histoire, au fruit d'une stratégie mal coordonnée, au même moment, Bernard Tapie, toujours empêtré dans le scandale du match truqué au MVA, multiplie les attaques contre la liste Rocard. On ne va pas se battre pour un gnome qui n'est pas capable de dépasser le candidat de droite, lance-t-il. Au micro de France Inter, l'un des porte-parole du camp Rocard, Jean Glavany, réagit. Ce n'est pas notre conception de la politique que de répondre à l'agression par une plus grande agression. Et donc, je veux dire très clairement que ce match-là, je veux dire le match de l'agression, les socialistes ne le gagneront pas parce qu'ils ne le joueront pas. Je pense que nous avons deux écueils à éviter. Le premier, c'est la diabolisation en disant que nous avons à côté de nous un diable porteur de tous les maux et à ce moment-là, le valoriser en ne parlant que de lui. Et donc, le meilleur moyen d'éviter ces deux écueils, la diabolisation ou la banalisation, c'est de défendre notre liste, son projet politique et nos propositions. Parler du fond, toujours du fond, et c'est comme ça que les gens feront la différence tout seuls. À la mi-mai, à droite, dans la famille RPR, Jacques Chirac et Édouard Balladur regardent d'un œil amusé le spectacle auquel se livre la gauche. Pour une fois, la famille gaulliste ne s'est pas déchirée pour choisir son candidat. À une large majorité, c'est le député-maire de Toulouse, Dominique Baudis, qui a été désigné pour conduire la liste de la droite et du centre. Et grâce aux divisions entre socialistes, radicaux, communistes et écologistes, ce même Baudis a toutes les chances de faire un excellent score le 12 juin prochain. Du côté du PS, les jours passent et la tension grimpe d'un cran. À l'exception des Mitterrandiens comme Laurent Fabius, Ségolène Royal ou encore Jack Lang, les membres du Bureau national restent dans leur ensemble convaincus que malgré ses paroles apaisantes, le chef de l'État risque de faire perdre Rocard. Une chose est certaine, à la fin du mois de mai, à 15 jours de l'échéance électorale, les sondages qui parviennent au Bureau national du PS sont de plus en plus préoccupants. Tapie talonnerait désormais Rocard. Les deux hommes se partageraient les points dans leur propre camp. Quant à la droite, elle semble bien partie pour réaliser une nouvelle vague bleue. Dans le camp Rocard, les meetings s'enchaînent et le doute grandit. Pour bon nombre d'observateurs, la campagne du chef du PS est calamiteuse. À la tribune, c'est vrai, Michel Rocard est souvent confus. De leur côté, Jacques Séguéla et Stéphane Fuchs, du cabinet Euro-RSCG, engagés pour la communication PS, tentent de renverser la tendance et de vendre aux militants socialistes et aux Français d'une manière générale une Europe solidaire, une Europe moderne. L'Europe, oui, mais de gauche, c'est ça, l'Europe de Rocard. Mais, malgré les efforts considérables et les slogans tout aussi considérables, le message ne passe pas. De son côté, Bernard Tapie continue d'attirer à lui les caméras de télé toujours friandes de spectacles. Et dans le genre, Tapie est un excellent client. Alors on le met sous les projecteurs et Rocard, lui, reste cloîtré dans l'ombre. Face à une situation devenue critique, le chef de file de la liste PS harangue ses militants et leur demande de se battre jusqu'au bout, comparant sa situation à celle d'un navigateur qu'il connaît. Évoquant la Transat de 73, pendant laquelle il est resté sans donner de ses nouvelles pendant une bonne douzaine de jours, sinon davantage, mais qu'il a quand même gagné. Il dit ceci. « J'avais pourtant dit à ma mère, tu n'as absolument aucun souci à te faire. Même si c'est dur, même si j'en bave, tu n'as pas à t'inquiéter, j'ai le bateau le plus solide de la course. Et le bateau, c'est vous !» Le 7 juin 1994, à tout juste 4 jours du scrutin, contraint et forcé, Michel Rocard propose aux diverses formations de gauche de bâtir une nouvelle alliance. Son idée est louable, mais elle est très mal accueillie. Dans les médias, les journalistes ironisent même sur une tentative de la dernière chance qui oblige l'ancien Premier ministre à pactiser avec ses ennemis. Au Parti communiste, on y voit là aussi un coup politique. Les Verts, eux, parlent de « big flop » en référence au Big Bang théorisé par Michel Rocard. Quant aux radicaux de gauche, ils s'étonnent et se demandent si ce sont de nouvelles alliances ou d'aide humanitaire dont Rocard a besoin en ce moment. Évidemment, Bernard Tapie enfonce le clou. Je reçois un exocète par jour. Et quand je regarde d'où il vient, souvent il vient pas de la droite. Alors j'ai envie de dire, Michel, calme-toi. Il n'y a plus qu'une semaine, tu seras devant. Pas de beaucoup, mais tu seras devant. Et puis voilà, on est cousins. On est cousins. On est la branche la plus proche de la tienne. Et si tu faisais un peu attention, si tu prenais un peu plus en considération les autres, notamment quand ils ont quelques problèmes, si tu avais plus de chaleur humaine. Autre épisode qui va hypothéquer les chances du Parti Socialiste, la liste de Sarajevo. Au printemps 94, des intellectuels français emmenés par Bernard-Henri Lévy, Léon Schwarzenberg ou André Glucksmann lancent une liste électorale inédite pour sensibiliser l'opinion au drame qui se joue à Sarajevo, alors encerclé et pilonné par l'armée serbe. L'objectif est de faire pression sur les responsables politiques afin d'obtenir une levée de l'embargo sur les armes à destination des Bosniaques. François Mitterrand affiche d'emblée son hostilité. Mais de leur côté, les sondeurs estiment que la liste pourrait atteindre les 12% lors des européennes. Michel Rocard, contraint et forcé, se rend à la mutualité et prononce un discours qui va dans le sens de la liste Sarajevo. Le premier secrétaire du Parti Socialiste espère ainsi récupérer des voix. Mais sa manœuvre, maladroite, va surtout créer un profond malaise au PS, car pour le clan des Mitterrandiens, il s'agit d'une remise en question de la politique du président, donc d'une trahison. Au soir du 12 juin 1994, au terme d'une campagne sans panache et de débats télévisés sans coup d'éclat, les résultats des élections européennes tombent. Le premier chiffre qui retient l'attention est celui de l'abstention, 47%, un nouveau record. Ensuite viennent les chiffres par candidat. Avec plus de 25% des voix, le candidat de la droite et du RPR, Dominique Baudis, remporte une victoire incontestable. Loin derrière, en deuxième position, on retrouve Michel Rocard avec 14,5%, un score largement inférieur aux 20% que le PS engrangeait traditionnellement depuis des années avant la catastrophe législative de 1993. De surcroît, Michel Rocard est talonné par Philippe de Villiers, 12,3%, et surtout par Bernard Tapie, 12%. Nadine Solferino, les socialistes assistent avec vertige à ce fiasco. Au même moment, Jean-Paul Huchon reçoit un appel sur son téléphone. À l'autre bout du fil, un certain Bernard Tapie. « Tu as vu le résultat? T'as compris maintenant ?» lui lance vulgairement et scéniquement le patron d'OM. Tapie, qui depuis longtemps, enragé d'être méprisé par les rocardiens, tient sa revanche. Mitterrand aussi, sans doute. Le lendemain, dans les rangs du PS, les poignards s'aiguisent. Les mitterrandiens, emmenés par Laurent Fabius, veulent la tête de Rocard. Dans les différents groupes socialistes, la confusion est à son paroxysme. Personne ne sait qui est avec qui et surtout qui est contre qui. Dans ce jeu de dupes, Rocard est une cible idéale. Alors il subit les attaques, parfois brutales. Acculé, il comprend que la partie est terminée, oui. Il comprend qu'il a perdu. Dans les jours qui suivent, il remet sa démission au bureau national du parti et il l'annonce à la presse. J'ai proposé ce matin au Conseil national du Parti socialiste de dépasser les courants. J'ai proposé que l'on bâtisse un projet politique qui réponde à l'attente des Français. J'ai proposé enfin que rejoigne la direction nationale une équipe de jeunes responsables politiques talentueuses et sincères, parmi lesquels Martine Aubry. Tout cela a été refusé. J'ai donc remis mon mandat. La parole va être maintenant aux militants. Et pour ma part, je continue à être un combattant de l'espérance. À Solferino, les Mitterrandiens remplacent les Rocardiens aux affaires. Le clan Fabius triomphe. L'un des leurs, Henri Emmanuelier, désigné comme nouveau premier secrétaire du parti. Pour Michel Rocard, c'est une autre affaire, bien sûr. L'ancien premier ministre voit s'écrire devant lui le dernier chapitre de sa vie politique active. Amer, Michel Rocard quitte donc le théâtre de la politique nationale. Il n'y remettra pas les pieds. Il sera par la suite député européen et sénateur des Yvelines, puis ambassadeur chargé de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique, comme la glaciation de ses ambitions. La pluie venait du nord, on passait sous ma porte. Vivre fort et que le diable m'emporte. J'allais à la fenêtre, enroulé dans un drap. Je secouais la tête et j'en écartais les bras. J'avais des hauts, j'avais des bas. Moins chaud, toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas. Je crois j'en voulais trop. J'ai même eu ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Je restais enfermé, erré pendant des jours. Trop des chemins s'ouvraient, trop des questions retour. Je n'avais pas tué mon père, mais je ne me souvenais pas ce qu'il me disait de faire. Ce qui ne disait pas. J'avais les hauts, j'avais les bas. J'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais les hauts, j'avais les bas. Je crois j'en voulais trop. J'ai même eu ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le destin brisé de Michel Rocard. Notre invité, Jean-Louis Andréani, bonjour. Bonjour. Ancien journaliste au quotidien Le Monde, vous êtes l'auteur d'une biographie de référence sur la vie et la carrière politique de Michel Rocard. Cet ouvrage intitulé Le Mystère Rocard est paru chez Robert Laffont. Première question, parce que c'était la thèse un peu développée, même complètement développée dans ce récit. Est-ce que François Mitterrand est à l'origine de la chute de Rocard en 94, à votre avis? Écoutez, on n'a pas de personne à de certitude, hein, on ne saura jamais d'ailleurs maintenant, puisque les deux sont morts. D'un côté, ça paraît très étonnant que quelqu'un creuse la tombe, fût-ce d'un rival de son propre camp. Mmh. D'un autre côté, quand on connaît l'importance, malgré ce qu'il dit dans votre récit, hein, quand on connaît le degré d'animosité de François Mitterrand envers Michel Rocard, tout est possible, puisque Michel Rocard en a beaucoup souffert toute sa carrière, on va en parler, y compris quand il était à Matignon, hein, il avait tout le temps l'impression d'être dans un piège. Et puis en plus, il faut bien comprendre aussi que François Mitterrand, finalement, pour lui, les hommes comptent plus que les partis. Donc, quelque part, il n'est pas impossible que... En plus, François Mitterrand, il faut bien voir, c'était la fin de sa vie. Quand on est malade comme il l'était, quand on est âgé, ça influe sur votre comportement. Vous ne sortez pas indemne. Et donc, il est parfaitement possible qu'à un moment, il soit dit, après tout, moi, tout ça... ça me fatigue, je veux pas que ce soit lui, ce type que je déteste, que j'ai jamais supporté, il mérite pas, je veux pas que ce soit lui qui me succède. Donc c'est possible, mais évidemment, nous n'avons aucune certitude. Alors, d'où vient cette rivalité qui était peut-être de la haine, je sais pas. Hein. Est-ce que ça vient d'un fait précis? Je sais que quand François Mitterrand était un peu dans la rue après l'arrivée du général de Gaulle, qu'il était à la tête d'un tout petit parti, la Fédération des Gauches Socialistes, hein, François Mitterrand, il essayait d'aller à un congrès du PSU, il était mal accueilli ou rejeté par Rocard. Il y a quelque chose. Hein, ça date même d'avant, des années 60. Mais c'est une inimitié qui s'est construite. Si vous voulez, elle est même assez. L'Algérie aussi. Bien sûr, il y a l'Algérie. Mais c'est une inimitié qui est d'autant plus profonde. Moi, j'ai cherché souvent, est-ce qu'ils ont un seul point commun? Je n'ai jamais trouvé, en fait, un seul point commun. Même pas la gauche? Rocard et Mitterrand. À part, justement, la gauche. Et comme c'est pas la même, et comme, justement, l'un suspectait l'autre, et réciproquement, de pas être vraiment de gauche, etc., même ça, ça les réunissait pas. Et tout le reste, les séparait. Vous imaginez Rocard propriétaire d'un âne? Ça se serait jamais vu. Vous imaginez Mitterrand faisant du voilier? C'était pas non plus son truc. La littérature pour Mitterrand, l'économie pour Rocard. Mitterrand, ça l'a jamais intéressé, l'économie. D'ailleurs, sur le tard. Vous savez, quand ils se sont rencontrés tous les deux, je ne sais plus quand, François Mitterrand est sorti en 10 ans de Rocard, quelle inculture, et Rocard dit de Mitterrand, quelle incompétence. Quelle incompétence, voilà, absolument. Oui, résume ce que vous dites. Il y avait ce fossé, et l'anecdote que vous racontez, elle précède encore d'une autre, c'est qu'avant le PSU, il y a eu encore un plus petit parti qui s'appelait le PSA, auquel adhérait Rocard. Oui. Mitterrand a voulu y adhérer, et on n'a pas voulu de lui, parce qu'il avait encore sa vieille casquette. C'est l'époque de Gilles Martinet, non, c'est ça? Oui, bah, Gilles Martinet était dans tout, voilà, c'est ça. Mmh. Et après, tout a continué comme ça, ils se sont jamais compris. Sur les temps, ils se sont pas beaucoup vus, hein. Disons que dans les premières années, c'est pas une inimitié qui s'est nourrie, disons, de rencontres désagréables. Ils se sont peu vus. C'est à partir de 68, 74, etc., où là, par définition, ils se sont côtoyés et ils ont eu la confirmation qu'ils se détestaient, qu'ils s'entendaient pas, qu'ils voulaient pas la même chose. Mitterrand a eu la certitude que Rocard voulait lui succéder et même éventuellement le pousser dehors. Et Rocard a été confirmé dans tout le mal qu'il pensait déjà de Mitterrand. Il en a même été confirmé pendant qu'il était Premier ministre, puisque grosso modo, il a quitté Matignon en ayant, si c'était possible, une opinion de Mitterrand encore plus mauvaise que quand il était entré. Il a même parlé de forme de violence chez cet homme plus tard. Oui, il lui a dénié de l'honnêteté. Absolument. Et alors, on verra à travers. Il l'aurait dit, ça, François Mitterrand. Ça, c'est la fameuse phrase, avec lever l'hypothèque et on verra à travers. Ça fait partie des... Voilà. Alors, sur le fond, peut-être que sur les relations entre les deux hommes, ça s'explique. Il aurait fallu être avec eux pour vraiment le savoir. Mais sur le fond, c'est bizarre. François Mitterrand dit, à un moment, il se justifie, il dit oui, Michel Rocard ne développe pas la politique que moi j'ai développée au nom de la gauche française. Mais enfin, la conversion à la social-démocratie, c'est aussi François Mitterrand, dès 1983, quand la gauche décide de prendre en compte le réel économique, c'est le tournant dit de la rigueur. Est-ce que c'est pas simplement le tournant social-démocrate des socialistes français? En même temps, Mitterrand reste fidèle, au moins dans la phrase, dans le discours, dans le ressenti, à ce qu'il a fait élire. Et il faut bien voir que pendant toute la période de Rocard à Matignon, c'est-à-dire de 88 à 91, quand Mitterrand harcèle Rocard, parce qu'on peut parler de harcèlement, c'est la plupart du temps sur le social. Il y a aussi d'autres points dont on peut parler, mais bon, c'est tout le temps sur le social. Le Premier ministre n'en fait pas assez. C'est un peu comme maintenant les critiques qu'on fait à Macron, finalement. Mmh, hein. Mmh. Alors, c'est pas le Premier ministre des riches, faut pas exagérer. Mais en tout cas, c'est un Premier ministre qui n'est pas assez social pour son président. Donc Mitterrand dans sa tête, comme en plus pour lui l'économie, c'est quand même un truc secondaire, Mitterrand dans sa tête, il reste l'homme de 81, quoi, quelque part. Et donc, ce tournant que maintenant, avec 30 ans de recul, on dit oui, c'est là que effectivement parce le tournant est pris. Voilà. C'est là qu'il est pris. C'est là qu'il est pris. Mais Mitterrand l'a pas vécu comme ça. D'ailleurs, c'était un mot tabou, social-démocrate, à l'époque, chez les socialistes. Oui, sûr, hein, parce que les communistes, eux, disaient social-traître. Social-traître. Bien. Mais Mitterrand s'est jamais vécu comme un social-démocrate. Hein, c'est... Eh oui. Et pourtant. On va écouter Michel Rocard, qui revient sur sa période de Premier ministre, donc avec François Mitterrand. Vous n'avez pas le choix. Il fallait bien qu'il soit avec François Mitterrand. Nous sommes en 2001 et il s'exprime au micro de France Culture. Je me suis toujours demandé, j'en profite puisque vous êtes en face de moi, pourquoi avez-vous accepté d'être le Premier ministre de François Mitterrand, puisque vous n'avez que peu de respect pour cet homme et ses notoriétés publiques ? Tout à fait, mais il ne s'agissait pas de François Mitterrand, il s'agissait de la France, figurez-vous. J'ai un immense respect pour mon pays, il y avait quantité de choses à faire. C'était dans le groupe de mes amis que s'était inventée cette idée du revenu minimum d'insertion. Il nous avait fait la grâce de reprendre l'idée dans la lettre à tous les Français. Mais c'était bien normal que les inventeurs, et d'abord moi, soient chargés de l'appliquer. Et puis, le président de la République me nomme Premier ministre, c'est pour servir la France beaucoup plus que lui-même. Ça doit être difficile quand même d'être... Ça n'a pas été facile. Ces années ne sont pas les plus faciles de ma vie. Harcelé. Alors, quand même, François Mitterrand n'a-t-il pas été agréablement surpris de la façon dont Michel Rocard a traité la question calédonienne? Parce qu'à peine arrivé, accord de Matignon. Ça, c'est quand même fort. Si, bien sûr, ça reste, si on peut dire, la grande réussite politique de Michel Rocard et qui a été saluée par François Mitterrand. Parce que... Il a souvent harcelé, quelquefois il a eu des moments, disons, d'humanité. Hein, et justement, sur cette affaire calédonienne, assez bizarrement, à ce moment-là, Rocard a une crise de colique néphrétique qui l'empêche d'assister lui-même à la signature des accords, ce qui a dû être un crève-cœur, puisque c'était quand même, il était le père de ces accords et qui encore aujourd'hui, hein, trouvent leur accomplissement. Et Mitterrand est allé le voir chez lui, et là il a été, comme le connaissaient beaucoup d'autres gens, et comme Rocard ne l'avait jamais vu. Affectueux, attentionné, etc. Et en même temps, il y a eu, grosso modo, il y a eu quand même quelques mois, hein, disons la fin de 88, et d'ailleurs les accords sur la Calédonie, c'est pendant cette époque un peu, si on peut dire, un peu béni ou d'état de grâce, si on peut dire, pour Rocard vis-à-vis de Mitterrand. Il a regardé son Premier ministre, il s'est dit, tiens, ben, peut-être finalement, il est pas si mauvais, peut-être, etc. Et puis à partir du début 89, et après ça ne fait que s'aggraver, après finalement les deux sont convaincus que non, ça marchera jamais. Ils s'aiment pas, ils se comprennent pas, l'un pense que l'autre est nul, etc. etc. Incompatible. Voilà. Ah oui, une incompatibilité totale. Est-ce que la théorie du SCUD, tapis pour abattre Rocard en plein vol en 94, SCUD envoyé par Mitterrand, c'est aussi votre analyse? Écoutez, là encore, je ne sais pas, il n'y a plus beaucoup de vivants. Il y a des indices quand même. Il y a des indices. Ce qui est sûr, c'est que si on cherche à faire entrer un peu les facteurs personnels, puisque les facteurs politiques auraient dû, bien entendu, pousser Mitterrand à finir Rocard quand même. Donc si on cherche à comprendre et qu'on fait entrer en jeu d'autres facteurs, il faut pas oublier, encore une fois, la personnalité de Mitterrand. Mitterrand, c'était pas un énarque policé. Mitterrand, il avait fait la guerre. Il avait été prisonnier. C'est pas la même génération. Il était pas la même génération, pas du tout la même culture et pas les mêmes expériences de vie. Il a été prisonnier et il était pas officier. Donc il était même pas dans un no-flag, mais il était dans un stalag. Ça veut dire qu'il a côtoyé toutes les couches de la société. Dans son entourage, il y a eu des gens un peu aventuriers, des gens qui ont fait des fortunes. Donc c'était pas quelqu'un à avoir peur de Bernard Tapie. À la différence de certains, sans doute, de beaucoup d'autres politiques qui, eux, voyaient le côté sulfureux à faire. Je pense que Mitterrand, face à ça, et surtout pour embêter Rocard, était prêt à fermer les yeux là-dessus. Il n'était pas du tout effarouché, je pense, comme d'autres pouvaient l'être. Alors, on retient, comme c'est important, retenons le fond, hein, l'œuvre de Michel Rocard. Il laisse derrière lui, et encore, hein, aujourd'hui, le RMI, donc, qui a été réformé, enfin l'idée du RMI et la CSG. C'est pas tous les premiers ministres qui ont mis en place des réformes aussi importantes. Et puis, d'un point de vue politique, les accords Matignon. C'est un bilan positif, Rocard. Oui, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est dans la polémique permanente Mitterrand-Rocard, c'est de voir que en dehors de la Calédonie, qui est un accord strictement politique. Hein. Oui. Mais pour le reste, c'est intéressant de voir que les principales traces qu'il a laissées sont économiques. Et donc ça le renvoie à ce qui était finalement son domaine favori, son domaine de compétence, quoi. Alors que, et dont d'une certaine façon, il a jamais vraiment réussi à sortir. Ça a été un peu le problème de Rocard pendant toute sa vie. C'est que il a toujours voulu prouver sa compétence dans ce domaine. En même temps, pour être président, il fallait élargir sa compétence. Il fallait en sortir. Et il est resté encore maintenant, puisque vous citez à juste titre le RMI et la CSG. Voilà, ces deux profondes réformes, mais sur le plan économique et social. Effectivement, sur ce plan-là. Alors, Michel Rocard entrera dans la liste de ceux à côté de qui les Français sont passés, finalement. Je pense qu'il avait le profil d'être président. Alors, il y aurait eu Mendès, sauf que Mendès lui refusait les institutions. Il était vraiment régime parlementaire, donc c'était un cas à part. Mais enfin, je crois que c'est un maître à penser aussi pour Rocard, Delors, Strauss-Kahn, Hollande, toute cette deuxième gauche. Il y a eu Chaban, pour cause de trahison. Il y a eu Delors, qui lui n'a pas voulu y aller. François Mitterrand disait de lui, il aimerait être président, mais il ne voudrait pas être candidat. Voilà. Strauss-Kahn, pour les raisons qu'on sait. Laurent Fabius, peut-être. Oui, avec l'affaire du sang contaminé qui l'a empêché, mais 95, il aurait pu. Bref, on ne va pas faire de la politique fiction, mais Michel Rocard, on est passé à côté de. La France est passée à côté de quelqu'un qui, selon vous, aurait été un président, profil. Écoutez, là encore, c'est difficile, peut, je là sais. Là encore, on ne peut pas. On est dans la supposition. Voilà. Mais disons que une des choses que François Mitterrand reprochait à Michel Rocard, c'est justement, il a toujours pensé qu'il n'avait pas l'étoffe. Il avait des compétences, mais il n'avait pas l'étoffe. Et puis, d'une certaine façon, Michel Rocard, parfois, donner des verges pour se faire battre, quoi. Parce que, par exemple, pendant qu'il était Premier ministre, alors que vous imaginez Mitterrand subir des trucs comme ça, il leur faisait des cours théoriques sur l'économie des pays du Pacifique pendant le Conseil des ministres. Et Mitterrand se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce zozo? Enfin, voilà. Donc, Michel Rocard avait une personnalité très particulière. Est-ce qu'elle aurait été vraiment bien adaptée à nos institutions? On ne saura jamais. Et puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'au bout, lui, l'épisode ultime de 95 le montre, jusqu'au bout, lui, il a été habité par cette volonté, cette certitude, puisque plusieurs fois dans sa carrière, il a dit « mais je serai président, je serai président ». Eh oui. Voilà. Jean-Louis Andréani, merci, je rappelle le titre de votre livre, « Le mystère Rocard », paru aux éditions Robert Laffont. Merci, au revoir. C'est moi, merci. C'est affaire sensible aujourd'hui, le destin de Michel Rocard, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Florent Layani qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons la loi Taubira, la loi sur le mariage pour tous.